Madame et Messieurs, chers collègues, bonjour. Je remercie très cordialement les organisateurs qui m'ont invité. Je tiens à les féliciter non seulement pour la vision culturelle ouverte et approfondie de ce colloque, mais encore pour le courage d'aborder ce thème dans le cadre d'un dialogue multidisciplinaire et d'une vaste art géographique. Et donc, je parlerai de le grand séisme et tsunami en Italie et dans la Méditerranée. À la différence d'autres calamités naturelles, telles que les inondations des fleuves et les glissements de terrain, les dynamiques géologiques qui provoquent les tremblements de terre et les tsunamis sont indépendantes de l'usage anthropique d'un territoire et de ses transformations. De telles dynamiques font partie de la vie de la Terre et changent au fil des millions d'années. Par contre, ce qui change dans les temps historiques, ce sont les effets de séismes et des tsunamis dans un monde habité en mutation. Le 24 août et le 26 et le 30 octobre de ces années, l'Italie centrale a été frappée par 5 séismes supérieurs à magnitude 5.5, et dont 2 de magnitude 6 et 6.5, et 25 000 chocs. Ces séismes ont causé 300 mortes, des milliers de sans-abris et des énormes dommages à les habitations et aux biens artistiques. Tout au long de son histoire, l'Italie a souffert de très nombreuses catastrophes de ce genre. L'Italie est un pays à plus grand aléa sismique de la Méditerranée. En raison de sa position géographique particulière, puisqu'elle se trouve dans la zone de convergence entre la plaque Afrique et l'Eurasie. Et donc, il souffre de la torsion de la chaîne de l'Apennine. Mais elle a aussi un grand risque en raison de la typologie et de la vétusté de son patrimoine historique, qui diffèrent d'une zone à l'autre, des villes aux villages, qui sont dans la chaîne des Apennins. C'est là le théâtre de plus de 70% de la sismicité italienne. Pour connaître les interactions entre un phénomène géologique et naturel comme le tremblement de terre et l'environnement habité, une recherche à long terme s'impose. Connaître le passé sismique d'un pays signifie avoir une idée de ce qui réservera le futur à moyen et long terme. C'est sur ces bases que s'est fondée ces dernières décennies une nouvelle discipline appelée la sismologie historique, une histoire qui a organisé sa méthode de recherche et d'interprétation des sources historiques pour connaître au point de vue historique et scientifique la sismicité du passé. Les données contribuent avant tout à estimer, avec les données géologiques, l'aléa sismique d'une ère et donc évaluer les risques qu'elle incourt avec la vulnérabilité et l'exposition du patrimoine. Ainsi concerne l'Italie et le bassin méditerranéen, la sismologie historique nous informe sur la fréquence de forts tremblements de terre. Sources littéraires, épigraphiques, d'archives sont la base des données de ces informations. En Italie, nous avons sélectionné et utilisé plus de 54 000 sources historiques. En ce qui concerne la méthode appliquée, il y a maintenant une vaste littérature et même un manuel de sismologie historique publié par le Cambridge en 2009, les géologues avec les historiens ont pu identifier un grand nombre de failles actives qui ont défini les modèles structurels italiens. Les données les données que je montre sont les résultats de mon groupe de travail qui a rédigé à partir de 1995, dans la première édition, les catalogues de forts tremblements de terre de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, qui comprend même les pays du bassin méditerranéen jusqu'à la fin du XVe siècle. Et donc c'est un cadre très vaste. La série historique des forts tremblements de terre en Italie du XIe siècle au XXe se présente comme suit. Il y a même les tremblements de terre du monde ancien ici. Oh, pardon. À la gauche. Et puis les tremblements de terre du XIe siècle au XXe. La série historique, c'est plutôt complète à partir du VIe siècle. La fréquence est impressionnante. Les données nous indiquent qu'un tremblement de terre dévastateur survient en moyenne tous les 8 ans, de magnitude supérieure à 5.5. Cependant, au cours des derniers siècles, des données bien évidemment plus complètes nous informent qu'il y a une importante catastrophe sismique tous les 4-5 ans, avec conséquences de coûts économiques et sociaux extrêmement élevés. Ils sont signalés, même le tsunami, qui sont corrélés. La situation est semblable dans la Méditerranée des 11e au 15e siècle. Quand au rase des marées, toutes les côtes de la Méditerranée sont à risque à cause de la sismicité élevée et de la présence de nombreux volcans actifs émergés ou sous-marins. Au cours des 1000 dernières années, les côtes italiennes ont enregistré, documents à l'appui, quelques dizaines de races de marées, dont seul un petit nombre avec dommages. Les côtes les plus touchées sont celles de la Sicile orientale, mais les côtes italiennes peuvent être atteintes par des races de marées provenant des îles Égéennes. Les aires centrales et orientales de la Méditerranée ont subi des tsunamis, les plus violents venus de l'arc hellénique, notamment de l'île de Crète, en direction des côtes de l'Égypte et de la Libye, ou encore de l'île de Chypre, en direction des côtes d'Israël et de la Palestine. Ici, une typologie de simulation sur la base des données historiques et géophysiques. La connaissance des races des marées souffre de nombreuses lacunes historiques, car jusqu'au début du XXe siècle, les côtes avaient peu d'habitants, à l'exclusion des villes portuaires. Et l'insuffisance des informations relatives aux races des marées ne permet donc pas de prévisions probabilistes. Et de plus, à cette incertitude épistémique, augmente remarquablement les niveaux de risque et le tourisme côtier. Quelle en était la réponse jusqu'ici apportée au disastre? Pourquoi une société peut-elle échouer et une autre, au contraire, relever les défis? Lorsque survient une calamité naturelle, une société est frappée dans son présent. Elle se place face à sa possible survie. Les réponses aux catastrophes sismiques renferment dans le temps des constants, tout en reflétant le divers contexte historique. La peur, la fuite, puis le besoin de comprendre, de donner un sens aux destructions, et par là d'interpréter et de recommencer à vivre. Autant de phases qu'on traversait de sociétés et de cultures, même très distantes dans le temps et dans l'espace. Sous de multiples formes, la survie a toujours exigé de redéfinir le futur. J'ai soumis à votre attention trois points à mon avis, important pour comprendre les réponses aux catastrophes sismiques. C'est l'explication, les reconstructions et les abandons, et l'adaptation. Je pense que l'explication... C'est la batterie. Je pense que l'explication est la première et la plus puissante des réponses de la culture méditerranéenne, que les cultures méditerranéennes ont fournies face à une catastrophe sismique qui a conditionné une réponse ultérieure. Pourquoi une catastrophe survient-elle? Quelle est la cause d'un fort tremblement de terre? L'explication comprend les mythes et les grandes interprétations religieuses, mais encore les théories des philosophes naturels et des hommes de science jusqu'à la science d'aujourd'hui. Depuis toujours, l'humanité a voulu comprendre le tremblement de terre et les races des marées et donner une explication s'écrivant selon les époques d'un cadre magique, religieux, moral, naturel ou scientifique. On a avancé des explications en tout genre, y compris l'explication scientifique qui partage aujourd'hui la communauté scientifique mondiale. Je m'arrête un moment au certain aspect, en commençant par les mythes. Il y a un problème pour la batterie. Commençant par les mythes et les grandes interprétations religieuses. Un livre de 1973 de Dorothy Vitaliano ouvrit aux sciences de la Terre une fenêtre jusqu'alors peu connue, à savoir l'origine géologique des mythes. L'auteur y ébauche une espèce de géographie d'importants événements géodynamiques liés aux mythes et découvre des traces peut-être sédimentées dans une très antique mémoire collective religieuse. Le passage du mythe à une interprétation rationnelle de ses contenus n'est pas toujours acceptable ni juste. Néanmoins, nous ne pouvons ignorer que certains mythes semblent nous placer devant le grand événement naturel, remontant à des temps très reculés, dont nous n'avons aucune trace écrite. Aujourd'hui, nous avons la géomythologie avec des résultats éclatants et donc les résultats sont importants parce qu'il y a eu une distinction entre mythe et narration. La principale divinité du monde grec pour le tremblement des terres et les races des marais était Poséidon, un dieu très antique rappelé dans le poème d'Homère comme l'ébranleur du sol et le seigneur de profondeur marine. Plusieurs traditions écrites attribuent à Poséidon des événements sismiques historiques. Les Romains interprétaient le tremblement des terres comme un présage d'autres disgrâces. Il faisait donc des sacrifices expiatoires. Mais à quel dieu s'adressait-il? Chez les auteurs latins, il plane une certitude quant au dieu spécifique. La tradition judéo-chrétienne voit le tremblement des terres et la race des marées comme un signe de la puissance des dieux. Bien avant de revêtir le sens symbolique d'une punition morale, une interprétation qui plus tard a caractérisé l'Occident chrétien, le tremblement de terre correspond dans le christianisme oriental à l'épiphanie de Dieu, le moment où il se manifeste, et donc un phénomène de puissance, une énergie divine. Dans l'Apocalypse de Jean, le tremblement de terre précède le jugement dernier, la fin de l'histoire. Les puissants sont renversés et le monde est menacé par une rupture à la nature. Des siècles durant, cette vision religieuse influencera les réponses des survivants en désastre sismique et lie étroitement le sentiment religieux à la résignation. En outre, cette vision niera ou ralentira, en fonction des époques, les parcours de rationalisation du tremblement de terre, entendu comme un phénomène de la nature. Le grand courant de pensée sur les causes naturelles des tremblements de terre dans les bassins méditerranéens commence entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. On assiste alors à une circulation extraordinaire d'idées par les philosophes de la Grèce antique qui gagnera et influencera le monde latin ainsi que l'Occident chrétien. On définit alors le tremblement de terre comme un phénomène causé par la pression de l'eau souterraine, d'après Thalète de Milet, par le feu, d'après Anaxagore, par l'effondrement des cavernes situées dans la terre, d'après Théophraste, ou encore par une conjonction de ces éléments. Dans ses traités de météorologica, Aristote présente une explication plutôt solide du tremblement de terre, fondée sur des phénomènes observés, après un travail raisonné par voie d'analogie et de déduction, et propose comme modèle dynamique le grand phénomène météorologique des tempêtes et d'orages. La théorie aristotélicienne est celle qui, entre toutes, traversera plus de 2000 ans d'histoire de la science. On la connaît sous le nom de théorie du vent souterrain, le pneuma, résultat du différentiel thermique entre différents états de la matière terrestre souterraine, chaud, froid, humide, sec. En revanche, Épicure, contemporain d'Aristote et qui ne manquera pas de le critiquer, indique le tremblement de terre comme l'objet inconnaissable, introduit ainsi l'idée d'une incertitude insurmontable. Le monde latin des philosophes naturels, des encyclopédistes et des poètes, qui reçoit du monde grec l'héritage culturel de l'explication des causes naturelles du tremblement de terre, exprime souvent des perplexités à accueillir une seule et unique théorie, et l'éclectisme domine tout au long du Moyen Âge. Excusez-moi. Mais à compter du XIIIe siècle, le christianisme embrasse la philosophie d'Aristote. La pensée géologique d'Albert le Grand, qui connaît Aristote grâce aux traductions arabes, et le système philosophique de Thomas d'Aquin forment un univers très solide de la pensée, aussi sur les phénomènes sismiques. La sage incertitude latine disparaît donc avec les philosophes scolastiques du bas Moyen Âge et du dogmatisme ecclésiastique qui s'ensuit. Avec le retour de l'Antiquité, la Renaissance ouvre par contre les portes aux doutes, à l'inquiétude de la recherche. À l'époque moderne, au sujet des explications des tremblements de terre, commence la critique à la théorie aristotélicienne des vents, critique formulée par Georg Bauer di L'Agricola et par Jérôme Cardan, pour ne citer que les premiers. Au début du XVIe siècle. Cependant, l'Église s'oppose à ce genre de pensée qu'elle considérait comme hérétique. Durant toute l'époque moderne, jusqu'au début du XXe siècle, maintes théories seront élaborées, partagées, dépassées, reposant sur l'inflammation souterraine, l'électricité ou le vulcanisme, pour arriver à la théorie actuelle, formulée dans les premières décennies du XXe siècle, qui explique, avec la dérive des continents et la tectonique des plaques, la complexe dynamique sismique de la Terre dans le cadre de son histoire géologique. Vu à long terme, l'explication ressemble à un parcours pénible et interminable, une réponse humaine remise en question, à laquelle la science a ajouté, lors du dernier siècle, des informations expérimentales, instrumentales et techniques. Mais nous sommes encore loin de comprendre totalement le phénomène tremblement de terre. Au cours des siècles, l'observation humaine directe a aidé l'explication théorique du phénomène sismique. Observer et décrire un tremblement de terre a été une précieuse contribution que les survivants, les témoins, ont souvent apportée à la pensée scientifique, avec des tests ou des peintres, et s'adressait non seulement aux contemporains, mais surtout à la postérité. Compte rendu, rapports, dessins, de savoirs pratiques, on décrit la localisation des dégâts, la typologie des effets sur les bâtiments et sur les personnes. Et même, ils sont des dessins très précieux pour comprendre la typologie des dégâts, et même dans l'environnement naturel. Et quelques exemples d'un riche patrimoine iconographique et historique italien. Le deuxième point de cette réflexion regarde les reconstructions et les abandons. Le géographe Strabon s'interrogeait sur la volonté de vouloir continuer à vivre dans une ville sans sécurité comme était Philadelphie, l'actuelle Alechir en Turquie, frappé par le fort tremblement de terre de l'an 17 après Jésus-Christ. Il était frappé par le niveau de risque accepté par les habitants de cette ville qu'il ne voulait pas la quitter. Écrivait Strabon, comment ne pas être étonné de voir ce petit nombre des habitants qui est si attaché à sa ville malgré les habitations peu sûres. L'attachement conditionne donc depuis toujours la réponse des survivants sur leur cohabitation avec le tremblement de terre. Même aujourd'hui, après les derniers désastres sismiques de l'Italie, nous voyons la population touchée réitérer cet attachement à leur village, aux petites villes, comme étant le principe des bases de la reconstruction. La reconstruction comme attachement en lieu équivaut aussi à un parcours psychologique individuel et relationnel. C'est sans doute là-dessus que se fonde cette capacité de réagir et de rebondir vers le futur que nous appelons aujourd'hui la résilience. En effet, ce terme ne signifie pas tant résister à la catastrophe que surmonter les difficultés d'une situation avec une nouvelle énergie. Mais dans l'histoire d'Italie, rebâtir dans cet esprit n'a pas toujours été possible. L'historien sait que les reconstructions ont été toujours épuisantes, compliquées, interminables, souvent décourageantes. Elles s'accompagnent d'une phase de grande incertitude et instabilité d'habitation. Après une catastrophe, de nouveaux rapports s'établissent entre les individus. Après la rupture des relations sociales, la perte des vies humaines et des biens, rien n'est plus comme avant. On est véritablement placé devant à la fin de son propre monde. On peut se demander si les catastrophes sismiques ont été par le passé une occasion de pietas, c'est-à-dire si elles ont suscité la compassion et la solidarité comme il arrive aujourd'hui. Nous voyons que dans l'Antiquité, les survivants sont exposés à une pratique répandue et cruelle, puisqu'ils subissent des attaques armées de la part des populations limitrophes, des mises à sac et d'autres ravages. C'est une image plutôt inquiétante de la persistance de l'agressivité humaine. Les cas de vols post-sismiques, autrement dit pillages, qui heureusement de nos jours sont très limités et pas tolérés, restent une constante historique au point que les sources ne le rappellent même pas explicitement. Elles rappellent plutôt les cas où ces déprédations ne se produisaient pas. Dans le Xe siècle, Léone Ostiense du monastère bénédictine du Monte Cassino et les Chronicum Vulturnense racontent qu'en juin 848, un violent tremblement de terre frappa Isernia, ville dans l'Italie du Sud. En trempe, le chef arabe Abu Massar remontait avec son armée vers le centre d'Italie pour piller ville et village après sa conquête de la Sicile. Or, Massar apprend que les murs de la ville ont effondré à cause d'un tremblement de terre qui faciliterait la mise à sac de la ville, qu'on levait l'usage. Mais ce chef militaire, selon les sources mentionnées, aurait dit: le Seigneur de toutes les choses est en colère contre Isernia. Qui suis-je, moi, pour m'acharner davantage? Il renonça à piller la ville et revient sur ses pas. Pourtant, mais dans le cas où les villes ne sont pas exposées directement au vol, la phase post-sismique est toujours difficile et laborieuse. Tout au long des reconstructions de l'histoire moderne, dont les archives italiennes possèdent des milliers de documents, on peut voir des nouveaux conflits entre les pouvoirs locaux et centraux, entre les différents niveaux des pouvoirs institutionnels, publics et ecclésiastiques, et entre les choix politiques et les besoins de la population. Il n'existe pas de reconstruction sans conflit. Les discussions et la rupture de l'ordre social soulignent les modes de fonctionnement d'un pouvoir politique et administratif en ces temps et lieux, tandis qu'elles créent de nouvelles attentes. Les discussions sismiques constituent non seulement un extraordinaire révélateur du fonctionnement du pouvoir, mais aussi un accélérateur des situations en cours. Pour réaliser la reconstruction d'une ville ou d'une aire des villages détruites, s'impose un moteur, pour ainsi dire, à savoir un projet et des ressources. Comme naît ce projet et comme émergent de nouveaux protagonistes? À chaque situation convient une réponse propre, mais il existe des constantes. On connaît en Italie plus de 4800 bourgs, villes, villages avant de subir des effets totalement destructeurs. C'est la simple quête de survie dans le présent qui a toujours prévalu pour répondre aux besoins immédiats de vivre jour après jour, à défaut des moyens économiques et des protections du gouvernement, impérant souvent même la qualité du bâtiment préexistant. Cependant, aucune grande reconstruction n'a abouti à des projets importants et ont marqué un tournant extraordinaire dans l'histoire italienne de l'urbanisme. Parfois, c'est en ce moment-là que se jettent les bases culturelles d'une prévention possible. Et à ce propos, je rappelle le cas du tremblement de terre de 1570 qui frappa Ferrare, une des cours de Renaissance les plus florissantes d'Europe. Piero Ligorio, grand architecte de la Rome papale et témoin direct de cet événement, mit en évidence dans son analyse la mauvaise qualité du bâtiment et les causes mécaniques de l'effondrement de l'édifice. Dans son traité, il vient à concevoir les premiers projets d'habitation antisismique de tout l'Occident. Il introduit son projet par une affirmation qui sonne après 500 ans comme un objectif encore à attendre et qui contient les indices d'un tournant culturel extraordinaire. Ligorio écrivait: se défendre contre le tremblement de terre est un devoir de l'intellect humain. Et nous pouvons rappeler la non-application de cet impératif rationnel comme une grande occasion manquée. Et pendant des siècles en Italie, seules les églises avec le sang protecteur rappellent à la postérité que les tremblements de terre sont une menace de l'avenir et qu'ils sont des événements à ne pas oublier et dont il faut se défendre. Les tremblements de terre étaient tenus pour des événements exceptionnels et tout à fait occasionnels, face auxquels seule la résignation et la foi offrent une raison de survivre. Ou encore, c'est les miracles ou la chance qui sauvent l'homme des ruines, comme dans ce cas d'un ex-veu. À la fin du XVIIIe siècle, en janvier 1693, la Sicile, dominée par l'Espagne, subit de graves destructions sismiques, deux tremblements de terre rapprochés de deux jours, de magnitude très élevée. Catane est anéantie, pardon, c'est l'imagine de l'impact de ces tremblements de terre sur la région. Catane est anéantie et sous les ruines meurent plus de 10 000 habitants. Des villes entières sont réduites à des tas de pierres, dont Syracuse, Chicli, Ragusa et plus de 70 villages. L'art interprète cette catastrophe comme un échec de l'homme, presque une tragédie antique dominée par la fatalité. Et le tableau est d'un peintre anonyme, mais qui n'est pas moins un véritable artiste de la communication. On peut alors reconstruire tout de suite, et cette volonté s'imposera avec une extrême dureté, puisqu'elle passera par l'usage de la force militaire. C'est ainsi que naîtra de ces énormes ruines des villes neuves, avec un nouveau style, le baroque sicilien, dernière propagation du baroque romain vers l'Afrique. On réinvente la position, le plan, le style et les matériaux pour des sites nouveaux. Mais ici, mais d'autres sites sont abandonnés. Il me plaît de rappeler ici que les premiers travaux au sujet de cette grande reconstruction sont dus à des historiens français, Lilian Dufour et Henri Raymond, en 1992. Pendant ces colloques, on a déjà présenté le débat philosophique après le tremblement de terre de 1555 qui a détruit Lisbonne. À sortir immédiat du tremblement de terre, l'Église portugaise vise, par ses prédicateurs, à exagérer chez les survivants le sentiment de peur et de culpabilité pour ce qui arrivait. Ce sentiment de punition divine perdra du terrain uniquement grâce au pragmatisme de la reconstruction, exprimé par une partie de la classe politique, par les survivants même et par les bâtisseurs. Mais dans l'iconologie politique, c'est le roi qui ordonne la reconstruction de la ville. Et c'est dans ce contexte qui verra ainsi le jour un modèle d'habitation résistant au tremblement de terre, la bien connue gaiola, c'est-à-dire petite cage, réalisée en très lit de bois qui connaîtra un succès remarquable en Italie quelques dizaines d'années après. En effet, en 1783, une crise sismique rasera la Calabre méridionale et Messina dans la Sicile, royaume des Bourbons de Naples. Maintes documents en rendant compte et la sismologie historique a mis en lumière, grâce à un travail minutieux sur les sources historiques, que les énormes destructions sont causées par un formidable cluster de séismes, c'est-à-dire une grappe, une succession de cinq forts tremblements de terre survenus entre février et mars 1783 avec des milliers d'escousses. Devant l'attendue, celle ruine semblait irrémédiable. Et certains philosophes de l'époque évoquaient la beauté de la catastrophe. Plus elle est grave, écrivent-ils, plus forte et plus la région est plus belle, la région renaîtra de ses cendres. Mais nous verrons que l'histoire est bien plus sévère que la philosophie. La reconstruction met en place des normes spécifiques. Les premières normes officielles pour l'Italie, commerce géographique, connues sous le nom d'instruction royale. L'habitation antisismique entrée des bois gagne du terrain. On appelle casa baraccata, et qui est une nouvelle élaboration souvent plus sophistiquée de la gaiola portugaise. Et ici, quelques témoignages des constructions en cours. Un grand projet de reconstruction s'opère. Le gouvernement de Bourbon de Naples adopte un profil réformiste et veut saisir ce désastre pour moderniser l'économie calabraise. On va bâtir de nouveaux petites villes avec des plans géométriques réguliers. Mais il faut trouver les moyens économiques nécessaires pour cette entreprise colossale. On vend donc des grandes propriétés foncières réquisitionnées à l'Église et au baron. Ce projet ambitieux n'aboutira cependant pas à cause des conflits économiques et sociaux qu'il provoquera, car le grand propriétaire terrien, noble et ecclésiastique, s'opposait au pouvoir central. Une crise politique et institutionnelle contextuelle, profondément déstabilisante, enlise le projet quand les troupes françaises occupent Naples dans les 1799. Les normes antisismiques sont mises de côté et la reconstruction avance très lentement. Au moins trois générations de Calabrais vivront ensuite dans la plus totale instabilité, ce qui entraînera de nouveaux conflits, une dispersion de la population, des crises de production, des crises alimentaires et par conséquent des épidémies et un dépeuplement. La reconstruction ne marche pas bien. Par exemple, dans la ville de Messine, grand port sur le commerce de la Méditerranée, et qui était gravement touchée par ce tremblement de terre de 1783, la reconstruction ne procède pas sous un contrôle assidu. On veille davantage à l'aspect esthétique de la ville, pas à sa capacité. La qualité de ces reconstructions serait décisive quand, à peine un siècle plus tard, surviendra le fort tremblement de terre de 1908, événement de magnitude 7. Messine s'écroule totalement. 65 000 personnes moururent sur 110 000 habitants, la moitié des habitants, 50%. Mais abandonnée est l'autre face de la réponse en grave destruction. Les lieux désertés après un désastre sismique dessinent en Italie et dans certains pays de la Méditerranée un paysage de ruines dont on a souvent perdu les causes et qui fait l'objet de recherches pour les historiens et les archéologues. Pourquoi abandonne-t-on un lieu? Le tremblement de terre peut devenir l'ultime phase décisive d'une crise économique et démographique en cours. Mais ce constat vaut pour l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ce n'est pas le cas pour l'époque moderne et contemporaine. En effet, de la fin du XVIIe siècle, les gouvernements centraux interviennent pour décider le déplacement d'un site endommagé. Lois et décrets sont la cause d'abandons récents, souvent forcés. Les habitants ne veulent presque jamais quitter leur village, leurs champs et animaux, mais la force militaire il y contraindra. Dans le sud d'Italie, certains villages officiellement abandonnés ne le seront jamais complètement, car les habitants entretiennent aujourd'hui encore un rapport symbolique qu'ils expriment par le retour collectif rituel, comme dans les villages de la Calabre, il s'appelle Precacore Samo. Ici, les habitants actuels regardent les nouveaux villages juchés au-dessous des ruines de l'ancien village abandonné par suite d'un tremblement de terre. Voilà probablement une image contemporaine de cet attachement que j'ai rappelé plus haut. Je conclurai par une réflexion finale. Le tremblement de terre en été avec les guerres, le plus grand risque de destruction dans le monde antique et moderne, et malheureusement, ils le sont encore dans le monde contemporain. Sur le plan global, les impacts destructeurs des tremblements de terre et des tsunamis tendent inexorablement à augmenter, non seulement à cause de la croissance de l'échelle démographique, mais surtout à cause de l'augmentation des zones de pauvreté, donc des constructions de mauvaise qualité autour à l'intérieur des mégalopoles et des grandes villes du monde. Au fil des siècles, de façon généralisée, les sociétés humaines ont donc accumulé les risques. Ce constat vaut aussi pour l'Italie, même si elle est un pays avancé, industriel et de culture antique. Cependant, nous devons reconnaître que le niveau de risque sismique d'une société développée est celui qu'elle choisit pour elle. Il n'appartient qu'à elle de faire ou de ne pas faire de la prévention en construisant bien ou mal. Que c'est donc l'adaptation? On peut le définir l'attente consciente du prochain tremblement de terre. Une société développée peut choisir de dépenser pour un avantage futur incertain, personne ne sait quand arriverait le prochain événement destructeur, ou bien elle peut choisir de s'en remettre au destin et de risquer de subir des pertes de vies humaines et de biens. Pourquoi donc, dans un pays à risque sismique comme l'Italie, ne s'est-il encore formé une véritable adaptation? Et c'est uniquement une question d'irresponsabilité politique, ou d'ignorance, ou de corruption des constructeurs, ou d'instabilité institutionnelle, ou encore de la vétusté du bâtiment historique auquel on ne veut pas renoncer. Naturellement, plusieurs facteurs y concourent, mais à mon avis, cela s'explique surtout parce que l'idée de postérité et du futur est en crise de long temps dans la culture italienne, mais aussi européenne. Bien que l'Italie soit un pays dans lequel, et nous l'avons vu même dans le dernier tremblement de terre, la peur et les pertes réveillent des besoins primaires comme la solidarité, le sens de la communauté. Mais sur le plan social, le vieillissement de la population, la crise économique, une quelque instabilité institutionnelle et pas moins la désinformation des médias affaiblissent l'idée même de l'avenir. Cette déclination particulière de l'avenir, c'est-à-dire la postérité, n'a pas aujourd'hui une force structurante capable de produire des choix et des réponses fortes et largement partagées par le futur. Une dérive fataliste nous attend d'elle malgré les progrès de la science et de la technique dans ce secteur. Une représentation sociale du futur s'impose. Mais si le futur est au-delà d'une porte fermée, alors il faut aller au-delà, comme dans la fameuse réponse inattendue de Magritte qui me plaît beaucoup. Merci pour votre attention.